Jeudi 13 septembre, 7h45, petit souci domestique. Ce matin, en tirant la chasse d'eau, j'ai cassé le cordon. Un bout de lacet qui passe par un trou dans le mur, et qui rejoint le mécanisme de la réserve d'eau située hors de notre portée, dans un petit renfoncement qui ne s'ouvre que par l'extérieur des cellules, depuis la coursive. Pour y accéder, il faut une clé spéciale, que ne possèdent pas les surveillants de l'étage. Patrick me fait gentiment le reproche d'avoir été trop brusque. J'ai pas l'impression, mais je m'excuse quand même. Maintenant, il va falloir attendre qu'un oxy, accompagné d'un gardien vienne nous réparer ça. Ça peut prendre des jours. Heureusement, il y a la bassine. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Dans d'autres cellules, c'est le lavabo qui ne fonctionne pas. Les détenus puisent leur eau dans les toilettes. C'est pire. Et puis, en revenant des douches, par la fenêtre, j'ai voulu secouer mon drap, celui de dessus, pas le drap housse. Sans faire exprès, je m'y prends mal. Le drap me file entre les mains. Il est tombé dans le passage qui mène au cours. Plus de draps. J'ai le sentiment que rien ne va ce matin et que je perds la tête. Patrick me dit que les draps ne nous sont changés que tous les deux mois. J'aurai du mal à en récupérer un d'ici là. C'est seulement au bout de trois mois qu'on nous changera les draps. À la suite de la visite du contrôleur général des prisons, me voilà dans de beaux draps, si j'ose la plaisanterie. Mais, sur le moment, je n'ai pas vraiment le cœur à rire. J'espère malgré tout, tout à l'heure, pouvoir le retrouver, peut-être, quand nous descendrons en promenade. En effet, c'est nous qui descendons toujours les premiers. En réalité, après les arrivants. Mais je bifurque immédiatement, vers la cour d'extrême droite, pendant que nous prenons à gauche. Je passerai alors sous nos fenêtres, et avec un peu de chance, il aura atterri là, parmi les déchets, les barquettes de repas renversées, et les autres poubelles quotidiennes, que tous ici déversons dans le passage. Si, par bonheur, il en est ainsi, je serai bon pour le laver ce soir à la bassine. En effet, j'ai eu de la chance, je l'ai retrouvé, mon drap, qui m'attendait par terre, dans le passage. Vierge de toute sa lissure, presque propre, et sans besoin que je le lave. Je suis un peu soucieux avant que de sortir. Est-ce parce que je pense à mon drap? Est-ce parce qu'hier j'ai touché, c'est-à-dire, reçu mon tabac et que je sais ce qui m'attend? Pourtant, ce matin Patrick est décidé à descendre. À la douche, tout à l'heure, il a parlé avec Santiago le Gitan, un bon ami à lui. Ils se sont donné rendez-vous en bas. Avec Patrick, je sais que tout se passera bien. Déjà il s'est apprêté. En cellule, je ne le vois jamais qu'en bermuda et en tricot de peau. Voilà qu'il a mis un pantacourt, et une chemisette. Il fait presque habillé. Cela fait des semaines qu'il n'est pas descendu. Il a le crâne rasé de près et le visage aussi. Il a mis du déodorant. Il sera comme un grand frère pour moi, et je suis fier et rassuré qu'il m'accompagne. Cela me donne du courage. Avant de sortir, nous écrasons un dernier cafard sur le bord du frigo. La cellule, malgré tout, est propre, et en ordre. Patrick et moi sommes des hommes d'intérieur.